طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب فسنخوض خلاصة من الدرس السابق، الدرس 18، وهذا درس كان يتعلق بالمثنى والتمييز. وعليكم السلام. طيب الدرس يتسع المثنى هنا في الجوال التمييز. Donc en résumé, Aoulan, on a pris le Moussanna, c'est quoi? C'est le duel. C'est un nom qui définit deux choses. Vous voyez? Moussanna. Il est écrit dans le kitab. Il écrit juste à Tamarin. Voilà. Il est là. Moussanna. Il y a Tajin Shadda sur le nom. Il sert à définir deux choses. Car, en langue arabe, tu dis pas Masalan, Indi Isnani Aqlam. Ça se dit pas. Tu dis Indi Qalamani. En fait, tu prends le mot Mufrad et tu rajoutes un alif et un noun. Maksoura. C'est comme ça tout le temps. Il n'y a pas de cas particulier, quoi. C'est toujours. L'origine, c'est que tu rajoutes un alif et un noun Maksoura à la fin du mot. Rajoul, Rajoulani. Bait, Baitani. Walad, Waladani. Qalam, Qalamani. Ainsi de suite. Et Itnin, c'est Hamzatul Wasl, Sa, Nun, Alif, Nun, Itnani. Tu dis pas Andi Itnan Aqlam, c'est genre un Tuljam. Tu dis Andi Qalaman. Et du Moussanna, on a pris quoi? Et il est en I, même si... Toujours en I. Toujours en I. Et on saura après comment faire son irlob. Comment savoir quand il est Mansoub, Majurur ou Marfou, ça vient dans un autre kitab. Taïeb. Également, on a pris parmi le Moussanna, on a pris l'Ism Shara. Taïeb. Nous, on a pris quoi pour l'Ism Shara, le Muzakkar, le Mufrad? On a pris Hada. Pour le Mouanaf, on a pris Hadihi. Le Moussanna, c'est Hazani. Mais ça, tu dis Hazani Rajulani. Taïeb. Hazani Rajulani. Et on a pris le Mouanna, c'est Hatani. Hatani Mra'atani. Muzakar, c'est Hazani. Ou le Mouanna, c'est Hatani. Qui est au même mot du kitab. Les deux sont dans le livre. Ils sont écrits. Hatani. Ça, c'est Hatani. Et Hazani, il est par là. Je sais pas où c'est là. Tu vas le trouver, Inch'Allah. Il y en a d'autres, comme je disais, il y a dans Ismoussoul, on a aussi. On a pris aussi Damir, Mounfasil, Huma. Vous voyez, Huma, il Ghaib et le Moussanna. Et il est Moutlaq, comme on a dit, c'est-à-dire il est mixte. Vous voyez, ça c'est d'accord. Ja'a Rajulani, Nam. Ja'a Rajulani, Huma, Min, Salan, Faransa. وتقول جاءت امرأتان وهما كذلك من فرنسا هما يجي pour le مذكر والمؤنث هاتان en fait هذه deux voilà c'est le مثنى de هذه وهذان c'est le مثنى de هذا et aussi il y a le ضمير متصل c'est هما فتقول هذا كتاب هما leur kitab à eux deux par exemple leur livre à eux deux il est pas dans le kitab mais nous on l'avait rajouté من باب إتمام الفائدة. كم؟ نعم. ensuite on avait pris aussi كم نعم كم on a dit c'est un اسم استفهام للعدد pour le dénombrer combien quoi كم ça serait combien كم ism istifham l'adad, qui veut dire combien. Et on a appris que le nom qui vient après kam ism istifham l'adad, adad ayn del del adad, je veux dire nombre, adad. Et donc on a dit que le nom, le dénombré de ce du kam s'appelle un tamiz. Vous voyez, un tamiz, c'est un ism mansoub mufrad nakira. C'est le dénombré de kam. Mathalan, takul kam qalaman indak. Combien de stylos as-tu? La qalaman là, c'est lui le tamiz. Il est mansoub, comme tu peux le voir, il a une fatha. Il est nakira, il a un tanouin. Et le mufrad, c'est un ism mufrad, il n'est pas jam. Donc c'est ça le tamiz. Et le tamiz, il y a plusieurs catégories. Il y a plusieurs catégories, ça c'est l'une d'entre elles. Et d'autres viendront plus tard. Ism mansoub mufrad nakira. Et c'est trois sifat. C'est un ism, plutôt quatre sifat, parce que c'est un ism. Il est mansoub, il est mufrad et il est nakira. Et vient après kam, il vient après d'autres choses aussi. Il n'y a pas que après kam. Et il s'appelle, excuse-moi, tamiz. Mim Ya'an Zay. Il est écrit aussi après. Mm. Il est écrit dans. Exemple, dans le 3. Lak. Non, mais ça va. Vous voyez bien des quoi, l'hélium, il y a Mohamed. De quoi? Exercice. Ouais. Lequel? Non, un peu. Ma faute, là, c'était pas compliqué. Ah oui, le plan, ça a terminé. Taïeb, la casa, tu vas pouvoir. Ouais. Tu as dit tout à l'heure, c'est juste pour le vocabulaire, tu as dit Hadani et Hatani, ils sont le. Hatani ouais, Hadani, c'est Ism Shara Mufanna, Muzakkar, ou Hatani, Ism Shara Mufanna. Par rapport à Hada ou Hadi, t'as dit, ils sont le Mufanna. Mufanna. Ils sont le Mufanna de. Ah, non. Mufanna, c'est pluriel. C'est pas pluriel, mais. Ah, c'est le masala, on ouvrira plus tard. Hein, de quoi? C'est le masala, on ouvrira plus tard, puis il y a un khilaf dedans. De quoi? Moussanna, est-ce qu'il est jam ou est-ce qu'il est. Ah, c'est ouais. Le. Non, je voulais vous l'expliquer, mais. Taïeb, vous comprenez. Ah, duel, non. Ah, c'est le jeu, j'avais dit au début déjà. Taïeb. Hawil el mubtada'a fi kul min jumali atiyati il est moussanna. Masalan, t'as koul. Haza kitabun. Donc ça va être Hazani kitabani. C'est ça qu'on veut faire pour aujourd'hui. Voilà, c'est pas grave. Taïeb, Jumal Oula, Haza Qalamun. Qu'est-ce que tu as dit, Ahmed? Haza Qalamun. Haza Qalamun. Naam. Hazihi Mistaratun. Qu'est-ce que tu as dit? Hatani Mistaratun. Naam. Mistaratun, il reste comme il est. Tani. Ah oui, Haza Talibun. Là, tu sais, طلاب. Jusqu'où là? هذا طالب عندك محمد. هذا طالب. هذا طالب. نعم. هذه طالبة. هاتان طالبتان. نعم. هذا الرجل مدرس. هذا الرجلان. نعم. هذا طالب من الهندي. هذان طالبتان من مذكر. ما في تاء. هذان طالبان من الهند. نعم. هذه الساعة من اليابان. هذان الساعتان من اليابان. هذه سيارة للمدير. هاتان سيارتان للمدير. نعم. لمن هذا المفتاح؟ لمن هذان المفتاحان؟ نعم. لمن هذه الملعقة؟ لمن هاتان الملعقتان؟ نعم. طيب. وكل الجمع هذه الملعقة؟ مراعق. ملاعق. طيب ندخل في الدرس التاسع عشر. c'est la suite et il confirme certaines règles du hadad. طيب عندنا المدير والمدرس الحمد لله هذه كنت في حبالكم محمد انت المدير وعبد القادر انت المدرس تفضل مدرس كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ في عشرة طلاب جدد نعم من أين هم كلهم من بلد كلهم أكلهم من بلد واحد لا هم من بلد بلاد لا هم من بلاد مختلفة منهم ثلاثة طلاب من الفلبين بين فلبين نعم وأربعة طلاب من اليابان هم ثلاثة وطالبان من الصين وطالب واحد من ماليزيا أفي فصلك طلاب من أمريكا نعم في سبعة طلاب من طلاب نعم أهم جدد لا هم قدام قدامى لا هم قدامى نعم وعليكم السلام ما هم قدامى كم طالب مكسور كم طالبا فيه من أوروبا فيه خمسة طلاب من إنكلترا وثمانية طلاب من طلاب في ضم نعم ضمة وثمانية طلاب من ألمانيا نعم وستة طلاب من فرنسا وتسعة طلاب من يونان يونان أغسط يونان شكرا يا شيخ طيب ما تعجب التكست المدير يقول كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ كم بيا دو نوفل اتيديون دون تا كلاس او شيخ المدرس يقول كل شيخ فيه عشرة طلاب جدد il y a 10 nouveaux étudiants طيب il y a 10 nouveaux étudiants المدرس يقول من اين هم كلهم من بلد واحد d'où sont-ils est-ce qu'ils sont tous d'un seul pays d'un même pays كل c'est tous طيب المدرس يقول لا هم من بلاد مختلفة non ils sont de différents pays منهم ثلاثة طلاب من الفلبين parmi eux trois étudiants sont des Philippines وأربعة طلاب من اليابان و quatre étudiants sont du Japon وطالبان من الصين et deux étudiants de la Chine وطالب واحد من ماليزيا et un seul étudiant de la Malaisie المدرس يقول أفي فصلك طلاب من أمريكا est-ce qu'il y a dans ta classe des étudiants d'Amérique المدرس يقول نعم في سبعة طلاب من أمريكا oui il y a sept étudiants d'Amérique المدير يقول أهم جدود est-ce qu'ils sont nouveaux المدرس يقول لا هم قدامى non ils sont anciens قدامى c'est le جمع de قديم طيب قدامى c'est le جمع de قديم المدير يقول كم طالبا فيه من أوروبا combien d'étudiants dans cette classe c'est-à-dire venant d'Europe المدرس يقول فيه خمسة طلاب من إنكلترا donc il y a 5 étudiants d'Angleterre وثمانية طلاب من ألمانيا et 8 étudiants d'Allemagne وستة طلاب من فرنسا et 6 étudiants de France وتسعة طلاب من اليونان et 9 étudiants de la Grèce. Un moudir, yakoul, shukran ya shaykh. Merci au shaykh. Quel? On le fera après, Inch'Allah. On a déjà commencé. Ça y est. Maintenant, on va prendre quoi? Une règle concernant l'adad, le nombre. Sachez que le nombre, c'est une règle dans laquelle beaucoup de gens pataugent et s'embrouillent. Ça y est, il y a plusieurs règles. Et ces règles-là, on cause des nœuds et des problèmes dans la tête de ceux qui n'ont pas été minutieux dans leur apprentissage. Mais celui qui le ferme bien depuis le début, alhamdoulilah, après, il tient. Mais celui qui ne fait pas attention, tu vois, il dit, c'est bon, je sais dire 10 et je sais dire le jam, amchi. Vous voyez ? Les règles en arabe, elles n'ont rien à voir avec les règles chez nous. Donc il ne faut pas qu'on parle en arabe comme on parle en français. Et c'est une chose que vous allez entendre souvent. D'ailleurs, c'est un truc qui peut définir quand une personne vient d'un pays étranger, c'est quand elle dit les règles des chiffres. Tu peux voir qu'en fait, à la base, c'est pas un arabophone. Et c'est une chose pareille que la langue, la besoin de s'habituer. Et cela n'arrive que comment ? Par le tatbiq, en appliquant. Et en faisant attention. Vous voyez ? Donc déjà, on va prendre ce qui concerne de 1 à 10. Min wahid, il est ashara. Vous voyez ? Min wahid, il est ashara. Wahid, ça veut dire 1. Vous voyez ? Wahid, aslan, yati ba'd al-ma'doud. Wahid, il vient après le dénombré. Là, c'est là tu dis, ja'a rajoud wahid. Vous voyez ? Un homme est venu. Tu ne vas pas dire, ja'a wahid rajoud. Wahid, il vient après le dénombré. Et son dialogue, il va être sifa. Vous voyez ? Comment on passe dans le texte, il dit quoi ? Il dit, mathalem, il est où, exemple ? C'est Wahid qui est sifa. Ah oui, Wataliboun Wahidoun min Malaysia. Il ne dit pas Wahidoun Taliboun Malaysia. Il dit Wataliboun Wahidoun. Donc Wahid, voyez, il vient après le Mardoud, après le dénombré. Et il va apprendre comme il y a là, il va être sifa. Pourquoi ? C'est parce qu'il est Mouzakar ? Non, pas forcément. S'il est sifa, il va suivre. Tu dis Taliban Wahida. Voyez ? Wahid, c'est ça son rokm, c'est qu'il vient après. Voyez ? Et il est ? Et normalement, il est sifa. C'est pas tout le temps, ça. Il peut avoir autre chose. Il peut venir tout seul. Tu vois, il peut venir tout seul, il peut te faire. Il t'écoute Ja Wahid. Tu vois, Ja Wahid, d'accord. Un est venu, là il va être fa'il. Mais s'il vient après de nombreux, non, il va être sifa. Vous voyez ? Donc ça, c'est simple. Martaba Thaniya, la deuxième étape. Isnani. Isnan, Akhadna Arkham. On a pris le hukm de Ithnan, c'est quoi ? C'est le Mufanna. C'est tout. Takul Ja'a Talibani. Ithnan, c'est quoi Ithnan ? Deux. Ithnan ? Ithnan, c'est deux. Ithnatani, c'est deux féminins. Ouais, mais c'est pas le Ithnan ou Ithnan. Ça va venir après. Ça, c'est l'Arabe. Ça. C'est comme Muslimoun, Muslimina. C'est la même chose. Ça va venir après, Inch'Allah. Ça y est ? Donc, Ithnan, Hamza, Sa, Nun. Alif Nun, Isnan. Et t'as aussi le Mouannas, c'est Isnatan. Vous voyez ? Isnan, on a dit, c'est pareil, il est après. Là, Isnan, on a dit, c'est Moussanna. On en prend le Moussanna pour deux choses. Tu dis, Ja'a Talibani. Vous voyez ? Ja Taliban. Et si tu dis Ja Taliban Isnan, Isnan ça va pour appuyer, tu vois, c'est juste pour appuyer, tu peux t'en passer. Donc tu dis Ja Taliban ou Ja At Talibatani. Tu vois. Donc on a dit quoi pour ce qui concerne le nombre Isnan, on emploie le Moussanna. C'est tout. Vous voyez, il n'y a rien d'autre. Il est pas, tu le définis pas avec Alifoul Lam. Ça dépend de ta phrase, tu peux mettre Alifoul Lam si. Tu peux dire Ja At-Taliban, si tu sais de qui tu parles, et comme tu peux dire Ja At-Taliban, par Alifoul Lam. C'est comme les autres, il n'y a pas de différence. Donc, on l'emploie que au Moussanna. Quand tu veux dire deux choses, tu reprends le Moussanna. Que le Moussanna. Il ne dit pas Isnan. Si tu veux dire Ja Isnan, mais il faut qu'on sache de qui tu parles. Non, je ne dis pas Ismaël, je dis Ismaïl. Ça, c'est, ça va venir plus tard. Ça, je ne dis pas. Ça va venir plus tard. Déjà Ismaïl, ça ne se dit pas déjà, impossible. Déjà Ismaïl, ça, c'est impossible. Kazalik, ou Ismaïl, tu ne peux, pas le dire. Quand tu vas apprendre l'arabe, tu vas comprendre. Ça vient lire l'homme. Vous voyez. Tu dis comment si tu veux dire Ismaïl? Ou Misnan, Knoula dit ou Misnain. Voilà, ou bien. C'est autre chose. Ou bien, tu réponds, comme Hum par exemple. Ou Misnan. Bah, sans le Hum par exemple, tu dis Isnain. Là, Isnan, tu dis pas Isnain. Tu vas comprendre, quand tu vas savoir, tu vas comprendre pourquoi. C'est très simple. Tu dis que c'est pas dans le berce, tu vois, donc on rentre pas dedans, sinon on va s'élargir. Ça y est. Bon, maintenant, le côté un peu difficile vient entre 3 et 10. Min salasa, il est Ashara. Rakizu. Regardez là. Les jidouels qu'on a avec nous là, le tableau. On a. On va écrire sur le tableau comme ça. Aoudah. Et de. Minsalasa et la Ashara, ça prend le même jugement. Vous voyez. Donc Rakizu, les nains. Mouhim. Il est écrit Esh. Jawel, Kitab, Biscuit, Esh, tous les Kalem. Bon, par exemple, donc je dis Isnani, Tullabin, Tullaban. Isnani, il a déjà Khalaf. T'as déjà transgressé. Non, Tullaban. Marabina Yomen, au code d'Anni Khalafta. On a pris deux jours, t'as déjà transgressé la règle. Tullaban, Tullaban, je connais pas Tullaban. Je connais Taliban, mais je connais pas Tullaban. Non, tu dis Taliban. Et si tu veux rajouter Isnen, tu mets après, comme Mouahid. Non, je veux Isnen, ouais. Donc, avec Isnen, non, avec Isnen, par exemple, j'utilise quoi? Si je dis ici, j'ai tout là. Taliban, tu prends le Moussana. Yani, Isnen, je le mets après Taliban. Tu le mets après ou tu le mets pas? T'es pas obligé de le mettre. Le Moussana, il sert à ça, à définir deux choses. Donc, tu peux te passer d'Isnen. Et si c'est Wahid aussi, non, mais Wahid, par contre, je le mets. Wahid, tu le mets après, non. Mais tout là, non, mais si c'est Wahid, c'est pas Talib. Ouais, t'es pas obligé de le mettre, même un, t'es pas obligé de le mettre. Jatalib. T'es pas obligé de dire Wahid. On comprend. Taïb. Salasa. Ce qu'on appelle Al-Adad. Ça ne dit pas d'ailleurs l'autre, c'est juste que pour vous, si c'est dans sa nature. Taïb. Et Talib, c'est elle. Mardoud. Ça y est. El Mardoud. Ça, c'est le nom, ça, c'est le dénombré. Ça y est. C'est leur statut. Mais dans la langue, tu dis pas Mardoud Adad. Tu dis rien de tout ça. Ça y est. C'est juste là pour qu'on puisse. Que tu puisses mettre chaque chose à sa place. Salah Fatou. Son chaque, il est. Mouannas. Il a Temarbouta. Il est. On fait le même tableau. Hein. Mouannas. Après, si on a besoin. Il est Mouannas et il est, regarde, Moudof. Parce que regarde, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de Tanouin. Donc c'est Moudof. Il est Mouannas et Moudof. Ça y est. Toulab, le Mardoud, c'est le dénombré. Ça y est. Donc il est toujours Moudof en gros. Non, de Asalat à Ashar, il est toujours Moudof. En fait, le hadad yukhalif al-ma'doud fi taftiri wa ta'nisihi. Ça veut dire quoi? Le nombre, il va contredire le dénombré dans son genre. Si tout le monde est muzakkar, et bien le hadad il va être mouannas. Fais attention à ça. Là, tout le monde est muzakkar ou pas? Donc, tu vas mettre salat à tout. Tu vas mettre un thème marbouta. Parce que lui, il est Muzakkar. Ça y est. Et. Et s'il est féminin? Il est Muzakkar. Ça va venir dans le dessin. Donc il est toujours Muzakkar alors? Non. Si le Mardoud il est moins neuf, lui il va être Muzakkar. Et s'il est. Pourquoi? C'est comme ça, Harry. C'est comme ça, Harry. Pourquoi tu dis pourquoi? Pourquoi tu dis une Damba à la fin de Mohamed Ibn Mansour? Pourquoi qu'une Damba? C'est comme ça. Et s'il est moins neuf? Il est moins là. Non, il le contredit. C'est le contraire. Il va s'opposer. Là, il veut compliquer la vie. Ça va, laisse. Ça, c'est le dernier qui va venir après. Là, on prend le Muzakkar. Là, on prend les Arkem, c'est le Mardoud de Muzakkar. C'est le moins de neuf, c'est le dernier qui arrive, Inch'Allah. Donc là, le Mardoud, il est Muzakka. Donc le Adad, il est Mouannas. Il est Mouannas. Logique. Voilà. Donc, et si le Mardoud, il est Mouannas, le truc, il est Muzakka. Non, il va le contredire. Ah, ok. Vous voyez, ça, c'est le nom d'Andaf, c'est d'Af et Ati. Vous voyez. Allah Hadik. Toulab, il est John. Taïeb, Alf. Kalem Kharban. John. Taïeb. John. Où n'a pas fiché. Il a dit ça pour elle. Il a dit ça pour elle. Hein? Tu le diras après, donc, il est John. Taïeb. Et il est. Il est quoi? Moudafilei. Moudafilei. Bah, il est toujours Moudafilei. Non, pas toujours. De Falafa. Si ça c'est Moudafilei. Donc attention, retenez bien ça. L'adad yukhalif al-ma'doud fi tafkiri wa ta'nisi, c'est-à-dire dans son genre, il s'oppose à lui. Voyez. Et il est Moudaf. Le Falafa Ashara. طيب إليه مضاف المعدود كما نادي في المذكر لعدم المؤنث إيه نعم si tu mets rien tu il va venir en féminin ça là ça il compte en féminin نعم après c'est un jam ce qui vient entre salafa et ashara ça va être un jam طيب ça va être un pluriel et va être moudaf ilay. Donc tu vas dire salatatu tullabin. Voyez. Donc ça va de salata ashara, c'est le même hukm. Tu vas dire arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, sittatu tullabin, sab'atu tullabin, thamaniyatu tullabin, tis'atu tullabin, asharatu tullabin. Voyez. C'est une autre étape. C'est une autre leçon, ça. C'est un autre livre. Non, mais là, je peux savoir parce que on a. Non, ça va prendre du temps. Mais non, mais parce qu'on l'emploie souvent. On emploie. Pour l'instant, pour le comme tu peux. Là, il y a que les foules de l'infini au phare. Vous voyez. Sinon, ça va être trop long. Toi, côté de toi, les jeunes comprennent pour l'instant. Dis ce que tu sais, et après que tu auras l'ilm, tu l'appliqueras, Inch'Allah. Quand tu dis 8, par exemple. Ça m'a Aïwa. Niyatu. Il est écrit dans le livre. Tayyib. Nakra. Yakul. Thalathatu tullabin. Arba'atu tullabin. Khamsatu tullabin. Sittatu tullabin. Sab'atu tullabin. Thamaniya. Regarde. Il est là. Thamaniyatu tullabin. Tis'atu tullabin, asharatu tullabin. Et le masculin c'est samina. Hein? C'est ça? Samani, ça va être. Santa. Non, t'as dit le masculin? Ça va venir après. Il va venir. Sauf pas les étapes, sinon tu vas t'embrouiller. Il va venir. Samina, c'est ça? Hein? Samina. Samani. Et ça c'est quoi là? De quoi? Samin. Ça c'est autre chose, c'est un autre wasm. C'est autre chose. C'est le même nom, mais c'est une autre écriture. Regarde, c'est le huitième. C'est pas le huit, c'est le huitième, là. Ah, d'accord. Et huit, alors, tu m'as dit en masculin, excuse-moi. Hein? Excuse-moi. Huit. Samanin. Samanin ou Samanin? Ça va venir. Si tu manges trop, tu vas vomir. Attention. Pour l'instant, raquise là-dessus. Ah, ouais. Et après, ça va venir, Inch'Allah. Déjà, je vois que c'est pas... Tu vois, ça vous surprend. Ça vous surprend, alors sautez pas des grands pas, sinon on va. C'est rigolo. C'est pas naturel. Tu vois. Si c'est naturel, c'est bon. Donc, que nous, on a que l'autre langue comme étant de mesure. C'est qu'on se rend compte qu'en fait, il y a l'autre langue, ils ont rien à voir l'autre langue, tu vois. Surtout dans le chinois, c'est encore autre chose. Ça se trouve dans, je sais pas moi, d'autres langues, c'est encore autre chose, tu vois. En tout cas, le muhim, c'est que pour cette langue-là qu'il faut rentrer en nous. Ça y est. Naam. Il est écrit Ikra waktub. Donc la première phrase, il dit Indi khamsatu kutubin wa thalathatu aqlamin. Voyez. Donc, Khamsa, comme on a dit, Mudaf, Mudaf, Ilay, Kutub, il est Jam, et comme Kutub, il est Muzakkar, Khamsa, il est Mouannas. Et pareil pour Aqlam, wa Thalatha. Si on avait dit, avec Wahid, comme on aurait dit, Indi, Kitabun, Wahidun, wa Qalamun, Wahidun. Et si on avait dit avec le Musanna, on aurait dit, Indi, Kitabani, wa Qalamani. Taïeb. Thanien, Khalidun, له ستة أبناء. طيب خالد إلى سيغافون أبنائين. طيب كم أخا لك يا آم أو لك يا آمنة ton jawab il va te le jeter, tu vas pas comprendre. Je dis attention qu'il va te le jeter. طيب كم أخا لك يا آمنة لي أربعة إخوة. Combien de frères as-tu au Amina? J'ai 4 frères. C'est-à-dire, أربعة. إخوة, même si son apparence est des moins de 9, à cause du test, ça vous accarre. Vous ne faites pas trop comme Hamza. Il y a des deux, ils ont apparence des moins de 9, mais c'est des moins de 4. C'est comme ça. Ne me demande pas pourquoi. Mais Hamza, c'est pas pareil. Hamza, le mot, n'importe où, tu le vois, il a son apparence. Eh bien, إخوة, par Kazan, elle dit non. Si? Ikhwa, tu peux dire Ahoun, tu peux. Là, c'est Jam, là, je parle du Jam. Le Jam, il y a deux Jam, il y a ou Ikhwan ou Ikhwa. Voilà, tu peux dire Ikhwan par exemple. Ah, bah c'est pareil, c'est un Muzakkar. Tu regardes son origine, tu regardes pas son écriture. Bon, Ikhwa, là, il est Muzakkar. Bah, donc tu vas dire Arba'atu. Arba'atu, oui. Voyez? Bah, si ça c'est Muzakkar, Arba'atu, ça c'est Mouannas. Ah, non. Et Ikhwa, tout c'est Muzakkar. Non. Malgré que ça. Ah, yo. C'est des frères. Le Mouannas, c'est quoi? C'est Akhawat. Voyez? Fait l'Ouzboui, Sabatu, Ayyamin. Vous voyez, donc, regardez la Seïda de ces Arkham, c'est que si demain vous avez un nouveau mot, vous allez savoir s'il est masculin ou féminin. Ça va vous aider à savoir un nom féminin ou masculin. Demain, tu vas, je sais pas moi, Sabatu, Sabatu, bah si ça vient de Salem. Sabat ou masculin, ça va donner quoi? Sabat. En fait, t'enlèves le T. Sabou, ça va être. Ah, Sabou. Ah, ouais, t'enlèves le test, c'est tout. Bah, si j'ai Sabatou, obligé. Ah, alors, t'as des mots, tu sais pas si c'est féminin ou masculin. C'est comme ça. Il y a plein de Faïda, c'est mon nom, on les voit pas. Ah, d'accord. Vous voyez, et parmi les Faïda, par exemple, le fait qu'un nouveau ne connaît pas un mot, s'il est masculin ou féminin. T'as des mots, par exemple, Shams. Celui qui ne connaît pas, il sait pas si. En apparence, t'as pas de signe qui définit s'il est masculin ou féminin. Ouais. Donc, quelqu'un dit. Khamsatou, Chebous. Il va falloir que Cham c'est Mouannas. Pourquoi qu'il est. Afwan. Non, pas Cham. Je veux un mot qui est une apparence. Attends, Cham c'est qu'il est Mouannas. Moi je veux Muzakkar. C'est quoi le nom de Cham, t'as dit? Ah ouais, ça c'est beau. Kamar, Mathalem, Kamar. Vous voyez? Salasatou? Si je dis Salasatou, bah Kamar. Attends. Beb, Salatou Amali. Non, tu sais pas si c'est Muzakkar ou Mouannas. Tu veux dire Salatou Abouabin. Donc si tu vois que tu dis Salatou, ça veut dire Abouab, c'est qu'il est Muzakkar. Et avec Kamal. Surtout tu vas te dire justement, dire, ah, je connais pas ce mot-là, mais je sais ce que c'est un Muzakkar en féminin, pourquoi? Parce que son nom me l'a défini. Et avec Kamal, tu dis Salatou? Je connais pas le djinn de Kamal. Je sais pas si c'est Akmar. Ouais. Après, j'ai commencé Kamal, après j'ai fait, je connais pas le djinn de Kamal. Donc je me suis arrêté. Et le frère m'a aidé, m'a trouvé bête, tu vois. Le dieu de Kamar, là, je ne connais pas. Moi, c'est d'autres Akmar, tu vois, là. Non, je suis mais tu vois, un mot, il y a plusieurs jumeaux, comme je l'ai dit, il y a plusieurs jams. Ouais. Tu vois, il y a plusieurs jams. Ça y est, donc, mille. Attends, j'ai perdu la page. Ça y est. Fil ouzboui, sabatu ayamin. Kam riyalen indaka al-an ya ammaru. Indi al-an. Samaniatu rialat. Donc là, attention. Rialat. Rialat, bah, c'est. Rialat, là, il est quoi? Il est c'est un masculin, ouais. Mais il prend un djem ou un salim. Voilà. Mais c'est un masculin. Voilà. C'est comme hammam. Je l'ai dit la dernière fois. Hammam, c'est muzakkar. Mais tu veux dire hammamat. Vous voyez? Tu veux dire hammamat. Hammamun. C'est muzakkar. Voilà. Et le djem, c'est hammamat. Mais c'est un Muzakkar. Jam Muzakkar. Mouannas Salim. Et ben c'est quoi le jam du jam au muzakkar? Il n'y a pas. Le muzakkar salim, c'est que pour les choses, pour l'aqil. Tu ne vas pas dire muzakkar salim, quel boune. Le muzakkar salim, c'est juste pour l'aqil. Ça va pour les hommes, pour les sifa. Ça va venir après dans les shurut. Ça va venir. Donc on a dit rialat. Donc rialat, même si son apparence elle est féminine, ouais. C'est un muzakkar. Donc attention, si tu vois l'adat devant, ouais, tu sais derrière ce qu'il y a derrière. Tu vois. Après c'est quoi? C'est du chiv, sans rappeler. Voyez. Fi hada al-hayy tis'atu buyutin jadida. Hayy c'est quartier. C'est quoi l'adat de jadida? C'est-à-dire comment jadida? Fi hada al-hayy tis'atu buyutin jadida. C'est-à-dire quoi? Jadida, tout le tintan, tin, c'est le sifa. Non. Le sifa et l'ouda. Non. Le sifa, pas fait. Jadida, sifa. Le bouyout. C'est un na. Ah ouais, mais il n'est pas moudof. En fait, il n'y a pas de moudof. Il est na. Non, c'est bouyout. Non. Lihadihi sayarati arba'atu abwabin. Kem samanu hadal kitab. Hein? Kem Samanou dans le kitab, combien est le prix de ce livre? Ah, Samanou, je crois que c'était 8. Là, Samanou, là, c'est pris. Là, il est pas tamis. Là, c'est une autre règle. Il est quoi? Hein? Là, il est. C'est un autre date. Hein? Les moutades, normalement. Il y a des choses pour qu'ils soient tamis. Et... Samanou, Sabatou, Rialat, Wanif. Son prix est de 7 riels. Et demi. Nif, c'est et demi. Ah, nous, quand on dit non, c'est en dérégat, ça n'existe pas. Non, l'origine, c'est Nif. Fi had al-fasli, asharatu tullabin kudama, warbatu tullabin jududin. Vous voyez, dans cette classe, il y a 10 étudiants anciens et 4 nouveaux. Kem kamison, indaka ya Ibrahim. Indi arbatu kumson. Kumsonin. Vous voyez, combien de kamis as-tu au Ibrahim? Il dit j'ai 4 kamis. Indi rialani wa khamsatu kurushin. Les kurush c'est comme les centimes. Vous voyez, et le mufrad c'est karsh. Karsh. Et les kurush c'est adjam. C'est qui vend des centimes. Vous voyez, mais au Yémen il n'y a pas. Mais en Fibus, Yudjad. En plus, tu as le Judei et tu as le karsh. Mais au Yémen il n'y a pas de kurush, c'est rial, fakat. ثانية عشر في هذه الحافلة عشرة ركاب تصكى حافلة سكاة طيب اليدي بساجي ركاب سجل دو راكب راكب en fait c'est tout ce qui monte ça peut être sur un cheval sur une voiture dans un car tu vois là c'est passager on dit un passager voyez ça c'est des exemples pour que vous compreniez حافلة c'est un car طيب ثالثا أجيب الأسئلة الآتية مستعملا العدد المذكور بين القوسين. Donc maintenant dans l'exercice qui suit, il veut que vous mettiez. C'est quoi le cosine? C'est bien le cosine, c'est les deux parenthèses. Il veut que vous mettiez le chiffre entre parenthèses, vous l'écriviez devant le mardoud. مثلا يقول كم كتابا عندك يقول عندي ثلاثة كتب. Donc le souhait, par exemple du 1 c'est كم أخلك يا محمد يا حامد tu dis عندي إخوة tu l'écris تبيت là le وقت انتهى le temps est terminé là tu mets comme tu veux le nombre comme ça comme tu veux tu l'écris avec les règles qu'on a appris non mais tu mets comme tu veux comment ça comme tu veux par exemple là كم أخلك يا حامد أيوة je vais تسعة لا tu mets le truc entre parenthèses tu mets au bout de la ligne entre parenthèses. Il y a écrit 1. Là, au bout. Ah. Si, là, il l'a. Okay. Et lui, il a regardé le. À l'envers. Il a regardé le nombre de le numéro de la phrase. Me faut. Et vous l'écrivez comme il faut. Ok. Rabi'an. Oktoub al-A'dad min thalathati ila asharatin wa jal kullan min kalimat al-A'tiya ma'doudan laha. Mathalan. Là, ça, vous allez écrire beaucoup, là. C'est pas. Là, chaque mot, là, vous avez kitab, kolem, taji, rajoul, talib, riyal, karsh, akh, ibn. Vous le dénombrez. De salasa, il est achara. Ouais, tu mets par exemple salasa, tu koutoubin. Mathalan. Voilà. Taïb. Et après? Donc, de kitab, tu vas faire de salafa et l'achara. Kutubin, kutubin, kutubin. C'est juste que ça rentre. Si, ça te fait écrire et ça t'habitue. Voyez ? Ok. Non, voyez ? Voilà, Kazalik, les fils bêtes. Ah ben. On a trouvé que les mêmes étaient déjà dit là, donc lui. Assaman. Assaman, c'est le prix. Voyez, c'est le prix. Nisfun, nis, c'est moitié, demi. Arial, demi, moitié. Arialu, malou, c'est la monnaie. Arialat, c'est le jam. Al-hafila, c'est quart, bus. Al-jam, c'est hafilatun. Al-su'alu, c'est la question. Al-jam, as-ila. Al-baladu, c'est le pays. Biladou, Biladoum, c'est le Jam. Urubba, c'est l'Europe. Faramsa, c'est la France. Dambaraha Allah. Mourtadoufa, qu'elle la détruise. Là, il y a un bon autre qui sort d'abord et après elle la détruise. Qui la reconvertisse plutôt. Hein? C'est-à-dire qu'il la reconvertisse plutôt. Ouais, mais là, c'est mal parti, donc qu'il la détruise. C'est mal parti. Ah, ouais, c'est mal parti. Qui combat l'islam. Ah. C'est des ennemis, Harry. Ouais. Tu vois. Ça, c'est les grands titres, machallah, tu vois. De toute façon, c'est des ardeurs, donc c'est des ardeurs sur eux. Inch'Allah, deux frères sortent d'abord, tu vois. Et celui qui reste, après, Omrou, illallah. Ah bah, tout le monde ne va pas sortir. Hein? Tout le monde ne va pas sortir. Chacun sera recité selon sa niya, tu vois. Kafi Hadith Aïcha, quand elle est, quand le Nabi Salam, Yardou, Al-Ka'bata Jaishoun. La Ka'ba s'est attaquée par une troupe. Où ils étaient du Baïda Ibn al-Ard, Yursafu bi Awalim ibn al-Akhilim. Ici, ils vont arriver à tel endroit, ils vont tous se faire engloutir par la terre du premier au dernier. Aïcha a dit Kayfihim aswakhum wa man li saminhum. Il dit parmi ces gens-là, des gens qui n'ont rien à voir avec eux, ils ne savent pas quoi là, ils barrent tout le wahid à la niyatihim. Ils seront restés selon leur niyat. Mais il est vu, ils ne voulaient pas combattre la Kaaba, il sera resté. Mais en tout cas, il va suivre le châtiment des gens, pourquoi ? Parce qu'il était à leur milieu. Tu vois ? Donc là, c'est pareil. Je dis pas qu'Allah détruit vos frères, il détruit la France. Voilà. Maintenant, justement, ça va. Inch'Allah, ils vont entendre le doigt et ils ont envie de partir, bismillah. Mais l'Amérique, l'Italie, tous ces bled ardent l'islam, ça va les détruire, tu vois. Oui, ils ont fait la boue, Arsène, l'Akim, l'Am, ou Alexandre. L'Adou, t'as droit à l'Ali. T'as vu. Mourtalifah, Mourtalifatoum, c'est différent. T'as vu. El-Yum, c'est le jour. Ayyam, c'est le Jam. Et Mourtalifah, il est toujours utilisé comme ça. Mortalifa, qu'est-ce que ça comme ça? Tu veux dire que les choses masculines sont différentes de ça? Là, tu veux dire Mortalif, sur le terre. Ils ont mis Kirsch, normalement c'est Kirsch, moi je connais qu'une kafra, une patra, je connais pas qu'une. Quoi, ils ont mis Kirsch avec une kafra. On a dit c'est centime. Et ils ont mis qu'une kafra, moi je connais Kirsch. Kirsch aussi un requin. Kirsch, il y a un requin aussi. Djem Kourouch. Djem Kourouch. Rakib, c'est le passager. Ou celui qui se trouve sur une monture, comme on a dit, ou sur une monture. Djem Rukab. Mustalib Tulab. Vous voyez ? Qadim, ancien. Djem Kudama. On a dit, c'est quoi sortir Kirsch ? Oui, ils ont mis Kirsch, en fait, apparemment, c'est une 4 ans. Kudama, il prend le féminin aussi ? Bah, c'est avec un corps. C'est un Djem Taksir. Hein ? Djem Taksir, il est mixte. C'est quoi ? C'est Kirsch. Moi je connais, une femme que je connais Kirsch, mais ils ont mis une kafra, donc je trouve que c'est une kafra. Non, c'est un kaf, Ah ouais, mais il écrit. Ouais. Tu l'as là. Tu parles d'où kafra, j'ai pas compris. Sur le kaf, ils ont écrit Kirsch eux. Kirsch. Ah ouais, c'est écrit, hein. Regarde. Non, moi je sais pas. Tu l'as pas, t'es sûr? Ouais, ah c'est Kirsch, ouais. Ah. Ils ont écrit Kirsch, ouais. Tayyib, Adjaib, c'est la poche. Ou Adjaib, c'est Jouyoub. Et l'origine de Jaib, en fait, c'est pas n'importe quelle poche, c'est celle-là, normalement. Et celle-là, c'est pas celle-là. Je sais pas, en tout cas, le vrai Jaib, au sens Fosra, c'est celle-là, la poche. Almania, on a déjà pris, c'est l'Allemagne. Al-Yonan, c'est la Grèce. Malaisia, c'est la Malaisie. Moi, je ne les connais pas, tout ça. Tu les connais. Ouais, parce qu'on les a déjà. Non. Ma foumala. Fa ilahuna. Walhamdulillah, rabbil alamin.